les amis. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche de juin. Vous êtes sur Vibration et le dimanche de 21 à 22h, c'est Milky Waves, l'émission de musique électronique. Le Raph au micro et cette semaine, c'est Airwave, Lolo alias Airwave, qui fait chauffer les platines. Il nous a fait un très chouette set ce week-end. Vos oreilles vont liker. Et le premier morceau de la sélection d'Airwaves de ce dimanche, c'est Madlock et Mathias Villa, qu'on va écouter tout de suite. Un nouveau release du label belge Sound Avenue, du tout bon travail. Et le titre, c'est Reading Souls. C'est parti. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Airwave. We'll be right back. Voilà, c'était Madlock et Mathias Villa avec Reading Souls. On poursuit avec un morceau sorti le mois passé au label Colorize, qui a fait des compiles très populaires. Il s'agit de l'artiste Clamoress et le titre Stellar Wind, un original mix. D'écouter Clamoress avec Stellar Wind. Toujours sur Vibration, vous écoutez Milky Waves, l'émission qui décolle les oreilles avec le Rafo Micro et Airwave aux platines. Le prochain morceau, à nouveau sous le label Colorize, un excellent track du producteur lituanien Weepy avec le titre Slow. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. C'était Weepy avec Slow. À suivre, Tim Penner, une pointure originaire de Toronto, Canada. Il est connu pour des musiques d'atmosphère et des bandes originales aussi. Et le titre de Tim Penner, c'est Exit Me. On va voir ça. Nous venons d'écouter Tim Penner avec son Exit Me. À suivre, Moshi, qu'on ne présente plus dans Milky Waves, on l'a déjà écouté à moult reprises. Cette fois, le titre c'est Elena and the Island, un Lo-Kai remix. C'est parti! This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. C'était Moshi avec le titre Elena and the Island, un Lo-Kai remix. Il nous a fait une chouette sélection, notre petit Airwave, ce week-end. Je suis bien content, j'espère que vous aussi. Alors on poursuit avec à nouveau le label Color Eyes qu'on a déjà pu entendre au deuxième et troisième morceau. Et cette fois l'artiste c'est Robert Nixon Press RNX, avec le titre, je vais pas y arriver, hein, Vestfold, un Nix Toy 9 remix. Je suis pas gâté, hein. On écoute ça. Thank you. Alors c'était Robert Nixon, Press Air & X, j'essaye de le répéter correctement maintenant, c'est le titre Westfold, et c'est un Nick Stoinoff remix. Yes, j'y suis arrivé. Alors, l'artiste suivant c'est Onez, je ne sais pas comment ça se dit, c'est Onez avec un point d'exclamation et un E, c'est un DJ et producteur canadien. Et le canadien, il nous a fait This Is Dream, un original mix. Après This Is Dream de Onez, le Canadien, on passe à un bon Bonsai Record comme on les aime. Il s'agit d'un DJ de Tel Aviv résident à Kiev qu'on a entendu il y a 2 mois avec Digifire. C'est Matan Caspi. Cette fois-ci, il nous revient avec Just Let Go, un Mind Gamer remix. C'était cool, mais c'était bon. C'est Matan Caspi avec Just Let Go, Mind Gamers Remix. Et maintenant, on passe au russe de Reflection Soul avec Constellation, un original mix. On écoute ça. We'll be right back. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. On vient d'écouter Reflection Soul avec Constellation, un original mix. Vous êtes toujours sur Milky Waves avec le Raph au micro et cette semaine, Lolo alias Airwave au platine. Alors, le prochain morceau de la sélection d'Airwave, c'est l'Argentin L'Homme, L-O-M. La musique est sa vie. Et le titre maintenant qu'on va écouter, c'est Yellows. Il voit la vie en jaune. On écoute ça. We'll be right back. toujours sur Milky Waves, nous venons d'écouter L'Homme, L-O-M, avec Yellows. Alors, on reste à Buenos Aires avec le duo Soul Keys, avec le titre Undertone, un original mix au label Suffused Music. C'était le duo Soul Keys avec Undertone, un original mix. Voilà, j'espère que vous passez une agréable soirée en notre compagnie. C'était le Raph au micro et Airwaves au platine. Malheureusement, Milky Way c'est bientôt terminé, alors on a encore un morceau à vous faire écouter. Il s'agit de Mathias Spataro, dans le top des charts Beatport, bien connu. Et le titre c'est Layering Example 1 de Bass. Et j'ajoute que c'est un remix d'Araspa. Voilà, on écoute ça. Voilà, on vient d'écouter Mathias Spataro avec Layering Example 1 de Pass. Notre émission Milky Waves touche malheureusement à sa fin en ce dimanche soir. Mais on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, pour de nouvelles aventures. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la sélection d'Airwave, elle était vraiment pas mal du tout. Et on va clôturer tout ça avec Arnim et Cloudbase, un Van Belen remix. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et une bonne semaine, bye bye.